Yeah. J'ai très peu le temps de parler comme en batterie faible. Je suis toute la journée dans mon lit, je pratique flemme. Non, je ne suis pas fidèle, mais tu n'es pas si belle. J'ai du mal avec les smileys, je suis comme Patrick Jane. Fais du feu mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Perdu dans ma vie, j'ai trouvé bon de m'évader. Le mal est sous ma peau comme Sinatra. Que de ville chakra, mais je maîtrise l'attaque. J'ai du poids sur les épaules, je suis le fils d'Atlas. Je suis bridé dans les mots, je gratte à l'encre de Chine. J'ai préféré voter blanc que pour un temple de skin. J'aurais donc parlé de moi sur de vieux samples de spleen. Je peux te raconter ta vie, donne-moi le temps que je screen. God damn. Mon gars va, je fais ce qui me plaît. T'es qu'une putain, c'était fait ce qui te plaît. Chevalier de noir vêtu, je suis dans le thème Chris Bell. J'ai des problèmes d'attitude, je suis dans le training day. Bientôt j'ai ma carte sob, j'ai que de l'eau dans ma cristalline. Ralenti comme au début, j'entends le 8 Spanish. Tabac à valer inversé comme en kit main libre. Fils de zèbre, mis le mot comme Barksdale. J'ai laissé tomber la tisée de trois chicots par terre. Avant y'avait les Shelby, désormais y'a les vaches terres. Je vis ma vie comme un jeu, je suis comédien dans Watchmen. Je ne remets pas ta gueule, je ne remets pas ton cul. Si j'étais toi, je ne m'aimerais pas non plus. Je ne remets pas ta gueule, je ne remets pas ton cul. Frangin, si j'étais toi, je ne m'aimerais pas non plus. C'est lourd mais dis-moi Kineko. Je suis très nonchalant comme Anne Kineko. Si le soleil se lève, moi je ferme les yeux. Ça fait quelques années, je ne sais pas s'il fait beau, yeah. Je t'empêcherai de parler comme un excès de picole. Tu parles de péché capitaux, prolonger cette bricole. Tu te prends pour Achille, tu feras pas trois. J'ai du mal avec les humains comme un Decepticon. Billy mène la vie d'un hérétique, je ne crains pas le châtiment. L'homme a fait quatre fois pire, l'excès gâche ma vie. Mais les pétasses m'attirent, on m'a dit tu manques pas d'air. Ma ville est asthmatique, yeah. Chez moi l'uniforme c'est un peignoir, yeah. Dis-moi pourquoi tu rappes comme un ténor, yeah. Frère le bail c'est que ton jeu c'est bicycle. J'ai dragon noir aux yeux rouges, SO Enoch, yeah. J'ai des idées mais je reste assis. Rien n'est gratuit, même la violence est une prestation. Gava t'as du mal à parler, mes livres restent assises. Je fais l'action, elle fait l'action. God damn. God damn. God damn.